Chapitre 7e. Madame de Lucilière n'avait point réalisé sa promesse de s'établir à Chalençon. Elle s'était retournée à Paris, et elle y était restée. Seulement, elle venait presque tous les jours à Chalençon, tantôt pour quelques courts instants, tantôt pour la journée, du matin au soir. Quant au marquis, il venait souvent aussi au château, ou plus justement au haras, pour visiter ses étalons et ses poulinières, et chaque fois il faisait une visite à son hôte, s'inquiétant de sa santé, s'informant de ses besoins, veillant jusque dans les plus petits détails à ce qu'il ne manquât rien. Parmi les nombreuses dissemblances qui existaient entre le mari et la femme, celle-là était une des plus caractéristiques. Tandis que la marquise ne s'occupait pas des choses de la vie et semblait n'être jamais chez elle, le marquis, au contraire, portait le souci de ces choses jusqu'à la minutie. C'était lui qui ordonnait la maison, commandait aux domestiques, donnait les clés et payait les mémoires après les avoir rigoureusement épluchées. La tête en l'air, son lorgnon sur le nez, se haussant à chaque pas, on le voyait sans cesse aller et venir, son carnet à la main, furetant partout, ouvrant les portes, regardant dans les coins, se baissant sous les meubles, passant son doigt sur les marbres pour voir s'ils avaient été essuyés. Et alors, malheur aux domestiques en faute. La réprimande n'était pas longue, mais elle était vive. « Les Lucières ont été ruinées par leurs intendants, » disait-il souvent. À quoi les amis de sa femme répondaient tout bas, que si les Lucilières avaient été ruinées par les intendants, ils avaient aussi, très probablement, été continués par eux, car le marquis devait être le fils ou le petit-fils de quelque majordome ou de quelque homme d'affaires. On n'a pas cette passion du ménage sans avoir été domestique en ce monde ou dans l'autre. Lucilière devrait mettre un manche à balai dans ses armes. Deux plumeaux croisés sur un livre de compte, avec cette devise « On y soit qui poussière laisse » ou bien celle-ci « Lucilière loquette ». Bien entendu, le colonel n'avait pas fait la plus légère allusion à l'engagement de la marquise, tout en souffrant, et celle-ci, de son côté, n'avait pas paru se souvenir qu'elle l'avait pris. Depuis qu'il avait quitté son lit, le colonel se tenait allongé dans un grand fauteuil devant la fenêtre, et de là il voyait la marquise arriver, lorsque sa voiture, quittant la route, prenait l'avenue du château. De loin, avec son mouchoir qu'elle agitait, elle lui adressait son salut. La voiture se rapprochait, on entendait les roues crier sur le gravier de l'allée, puis elle s'arrêtait. Presque aussitôt, il se produisait un bruissement d'étoffe dans l'escalier. La porte de la chambre s'ouvrait brusquement, comme si elle était poussée par l'ouragan, et du seuil, une voix joyeuse criait « Me voilà, c'est moi. Comment allez-vous aujourd'hui ?» Il s'avançait vers le colonel, les deux mains tendues, le visage souriant, vive, légère, comme si ses pieds n'avaient pas posé sur le parquet et comme si elle avait eu des ailes pour la soutenir sans qu'elle touche à la terre. Alors c'était un gracieux caquetage, fait d'interrogations précipitées qui laissaient à peine place aux réponses. « Vous avez passé une bonne nuit, n'est-ce pas ?»« Oui, cela se voit à votre mine. »« De qui avez-vous rêvé ?»« Pas de moi, j'en suis certaine. »« Plutôt de côtelettes et de poulet, comme hier, je parierais. » « Oh, homme peu poétique, américain grossier et affamé, mais je ne vous en veux pas. Je comprends que vous ayez faim après votre saignée et votre jeûne. Aussi, comme je prévoyais ce bel appétit, je vous ai apporté des provisions. J'ai donné des ordres pour qu'on les monte. Nous allons faire la dînette ensemble. Moi aussi, j'ai une faim de loup. Horace, voulez-vous mettre le couvert, mon garçon ?» Et Horace s'empressait d'obéir, car il était en admiration devant la marquise. Chaque fois qu'elle se tournait vers lui, son visage s'épanouissait et l'on voyait ses 32 dents blanches briller comme des perles. Il n'était pas surpris de l'affection qu'elle témoignait à son maître, et même cela lui paraissait tout naturel. Une femme unique, comme la marquise, devait aimer un homme unique tel que le colonel Chamberlain. Ils avaient été créés par le bon Dieu l'un pour l'autre. Mais enfin, il lui savait gré de son entrain, de sa bonne humeur, de sa beauté et de toutes ses qualités, qu'il énumérait les unes après les autres dévotement, comme s'il avait récité les litanies de la Vierge. Bientôt la table était servie, et elle se plaçait vis-à-vis de son malade, qu'elle prenait plaisir à servir et à faire manger, exactement comme une petite fille qui joue à la dinette avec son bébé en carton-pâte. « Mange, bébé. Sois bien sage. Mange bien. » Mais il n'y avait pas besoin d'adresser cette recommandation au colonel, qui, ainsi que le lui reprochait la marquise, rêvait souvent de côtelettes et de poulet. Pour elle, il n'était pas non plus nécessaire de l'exciter à faire honneur à sa collation, et il était bien rare qu'elle ne fût pas en appétit. Si cela arrivait parfois, elle ne refusait pas cependant de se mettre à table. Du bout des dents, elle mordillait gracieusement une pâtisserie ou un fruit et trempait ses lèvres dans un verre de vin. La dînette achevée, elle faisait enlever la table, puis lorsque Horace s'était retiré, « Maintenant, que voulez-vous ? Lire, chanter, faire de la musique, raconter des histoires, parler, commander. Je suis ici pour que vous ne vous ennuyiez pas. Vous voir. Cela peut devenir monotone à la longue. Pas pour moi. Vous vous endormiriez. Essayez. Je vous préviens que si vous bâillez, je me fâche. Et si je ne bâille pas, alors c'est que vous aurez pris plaisir à votre contemplation. Je ne vous devrai pas de récompense. Il me semble que ce serait plutôt vous qui m'en devriez une. Je suis prêt à m'acquitter. Je ne demande rien. » Elle s'asseyait en face de lui. Il restait, les yeux fixés sur elle, la regardant, l'admirant, s'enivrant du charme qui se dégageait de sa beauté. Elle ne disait pas un mot. Il se tenait, les yeux mi-clos, en apparence insensible à ce qui l'entourait. Cependant, elle voyait très bien les sentiments qui s'éveillaient et se développaient en lui, suivant exactement leur progression, comme si de sa main, qui restait posée sur l'appui de la fenêtre, elle lui tâtait le pouls. Ah non, il ne bâillait point. Ses joues se coloraient, ses yeux brillaient et jetaient de chauds rayons, ses lèvres étaient agitées d'une sorte de frémissement. Elle attendait ainsi, silencieuse, jusqu'au moment où elle le voyait prêt à tendre les deux mains vers elle. Alors, mettant vivement un doigt sur sa bouche, « Maintenant, si nous parlions un peu. » Vous savez que la chaîne de notre ami Gaston vient de se rompre. Depuis son retour d'Amérique, elle était rivée. C'était admirable. Une fidélité, une constance à n'y rien comprendre. Avec cela, une retenue, une correction dans les relations apparentes qui faisait de Gaston un véritable modèle. Était-ce amour? Était-ce modération forcée, s'expliquant par la position financière de notre ami qui, vous ne l'ignorez pas, était complètement ruinée? Les paris étaient ouverts. Les uns tenaient pour la fidélité, les autres pour un sentiment moins délicat. Gaston vient de faire un héritage inespéré qui lui permet de reprendre son ancienne vie, et tout de suite, il l'a reprise. La chaîne est rompue. Je compte qu'il va venir un de ces jours vous annoncer tout glorieux ses transformations. Car l'ambition de Gaston est d'être le dernier de nos gentilshommes. Il n'a qu'une idée, faire parler de lui ou, comme on dit dans certains mondes, épater la galerie. Quand elle n'avait pas d'histoire à raconter, elle prenait un livre. Ou bien, quand les livres l'ennuyaient, elle se mettait au piano, et ses doigts jouaient tout ce qui lui passait par la tête. Une sonate de Mozart qui lui était restée dans la mémoire du temps de son éducation, ou bien la chanson à la mode de la dernière opérette. À vrai dire, la chanson lui venait plus souvent sur les lèvres que la sonate dans les doigts. Elle avait une véritable passion pour le répertoire de Teresa. Il déclarait hautement que le sapeur était un chef-d'œuvre et que la femme à barbe était le dernier effort de l'esprit humain. Elle-même avait composé les paroles de plusieurs chansons de ce genre. Une femme à la mer. Oui, que ça me chatouille. Oulala, que c'est drôle. Qu'aurait peut-on chanter sur la scène de l'Alcazar avec succès. La musique de l'une était d'un prince, celle de la seconde d'un grand compositeur qui s'était prêté à ce caprice, espérant bien en être récompensé. Celle de la troisième, d'un ambassadeur auprès de la cour des Tuileries. Le colonel ne raffolait pas précisément de la femme à barbe, et bien que cette bouffonnerie lui parût assez drôle, il ne trouvait pas, comme la marquise, que c'était le dernier effort de l'esprit humain. Mais chanté par cette bouche spirituelle, accentué par cette voix mordante, mimé par ses yeux pétillants d'esprit, il l'eût éternellement écouté, toujours avec un nouveau plaisir. Tâté, voyez. Eh oui, assurément. Il se fut volontiers assuré que ce n'était pas de la chair, mais que c'était du marbre. C'est ainsi que leur temps se passait, rapidement, pour tous deux. Tout à coup, la marquise, comme si elle sortait d'un rêve pour entrer dans la réalité, regardait l'heure à la pendule. « Ah, mon Dieu !» « Je serai encore en retard aujourd'hui, » s'écrit-elle, « comme toujours d'ailleurs. » Et elle se précipitait sur son chapeau et son mantelet, qu'elle jetait n'importe comment sur sa tête et sur ses épaules. « Je vous verrai demain ?»« Eh oui, assurément. »« À quelle heure ?»« Ah, je ne sais pas. » »« Mais je viendrai, soyez-en sûr. » »« Adieu, alors. » »« Au revoir, au revoir. » »« Est-ce qu'on se dit jamais adieu ?»« À demain. » Cependant, malgré cette promesse, il arrivait quelquefois qu'elle ne venait pas. Alors la journée était longue pour lui à passer. À l'heure à laquelle il l'attendait, il se mettait à la fenêtre, pas trop tôt, car il espérait toujours qu'elle lui ferait la joie de le surprendre, mais à l'heure juste. Puis, les yeux fixés sur l'avenue, il regardait et les oreilles tendues, il écoutait. Le roulement d'une voiture sur la route arrêtait les mouvements de son cœur. Quelquefois c'était elle, quelquefois aussi ce n'était que la charrette d'un paysan ou d'une voiture étrangère qui ne tournait pas à l'avenue. De nouveau, il attendait. Les minutes, les heures se succédaient lentement. Elle allait arriver, il en était sûr, il le sentait. Elle n'arrivait pas. Il s'en prenait à la pendule. « Tu n'as pas mis cette pendule à l'heure, » disait-il à Horace. « Je vous demande pardon. Elle va comme votre montre qui, elle, ne se dérange jamais. » « C'est égal, elle peut se déranger une fois par hasard. Va voir l'heure en bas. » Horace, qui savait à quoi s'en tenir, sortait de la chambre. Mais ne se donnant pas la peine de descendre, il rentrait bientôt annoncer que la montre ne s'était pas dérangée. Enfin, il arrivait un moment où il devenait bien certain que la marquise ne tiendrait pas sa promesse. Cependant, il ne quittait pas la fenêtre. Qui sait? Est-ce que l'impossible n'est pas toujours possible pour ceux qui attendent et qui espèrent? Elle avait pu être retardée. Un accident avait pu se produire en route. Dans ces conditions, l'esprit est inépuisable en invention. Cependant, à mesure que la certitude qu'elle ne viendrait pas s'établissait, l'angoisse de l'attente diminuait d'intensité. Ses yeux se tenaient plus obstinément fixés sur l'avenue, ses oreilles exclusivement ouvertes au bruit seul de la route. Il regardait autour de lui les gazons veloutés du jardin et le jeune feuillage des arbres du parc, qui, comme les vagues d'une mer de verdure, ondulaient sous la pression de la brise. C'était le printemps. La saison était douce, et sous les taillis du jardin, les rossignols sifflaient, tandis que, tout en haut des arbres, les pigeons ramiers faisaient entendre, du matin au soir, leur roucoulement amoureux. Pour quelqu'un dont le cœur et l'esprit eussent été libres, les heures passées à cette fenêtre eussent pu être agréablement remplies. Pour cela, il n'y avait qu'à ouvrir les yeux et les oreilles. En effet, bâti en amphithéâtre sur les confins de la forêt de Marly, le château voyait se dérouler devant lui un paysage fait à souhait pour le plaisir des yeux. Immédiatement après la pelouse, qui touchait le perron, et à une assez grande distance s'élevaient les toits du village, qu'on apercevait à travers une balustrade en pierre façonnée qui terminait de longues terrasses. Au-delà du village s'étendait la plaine immense avec ses cultures aux couleurs variées et ses petits bouquets de bois, semés çà et là comme pour égayer sa nudité. À gauche se succédaient, le long d'un petit ruisseau qui va rejoindre la Modre, des prairies encloses de haies basses, dans lesquelles baissaient en liberté les poulinières et les poulains du haras. Tout cela n'était pas très grand et ni fait pour susciter des idées bien hautes. Mais cependant, il y avait là un mouvement, une vie, qui ne laissait pas l'esprit s'endormir dans un repos monotone. On entendait les bruits du village, le roulement des charrettes, les chants des ouvriers, les cris des enfants, le marteau de la forge. Puis tout à coup le hennissement d'une poulinière qui appelait son petit, ou le galop précipité d'une troupe de poulains qui traversait la prairie comme une volée de mitraille, s'amusant à lutter de vitesse entre eux, sans se douter que ce qu'il faisait en ce moment par plaisir, il devrait le faire plus tard par travail, devant une foule qui les applaudirait ou les invectiverait, selon qu'on aurait gagné ou perdu de l'argent en pariant sur eux. Mais le colonel était peu sensible à ce paysage et à ce mouvement. C'était la marquise qui l'attendait, et bien vite. S'il se laissait distraire un moment, il revenait à sa préoccupation. Quelquefois, alors qu'il n'espérait plus la voir arriver, une voiture apparaissait dans l'avenue. C'était elle. Mais non, c'était une visite qu'on venait lui rendre. Le baron Lazarus, le prince Mazzazzoli, qui parurent plusieurs fois au château, témoignant au colonel l'intérêt le plus vif, sans qu'il fût possible de reconnaître lequel des deux était le plus inquiet. Gaston de Pompéran, qui vint raconter, tout glorieux, comme l'avait dit la marquise, l'histoire de son héritage qu'il appelait une bonne fortune. Ses visites étaient une déception. Mais le premier moment de contrariété passé, elle devenait une distraction. Tant qu'elle durait, les minutes étaient moins longues. Au nombre de ses visites, il y en eut une qui, commençant comme toutes les autres par la déception, ne se termina pas par la distraction. Ce fut celle de M. le Méauté. Depuis le jour de son interrogatoire, le colonel n'avait plus entendu parler du juge d'instruction autrement que par son oncle Antoine. À la façon dont le juge d'instruction entra dans sa chambre, le colonel vit tout de suite que l'affaire d'Anatole avait dû prendre une mauvaise tournure. « Savez-vous, mon cher colonel, dit M. le Méauté, que c'est merveille de voir comme vous vous rétablissez. Vous dites cela comme si ce rétablissement allait trop vite. Il est de fait que si vous aviez pu paraître devant les jurés dans l'état où vous étiez le jour où je vous ai interrogé, vous auriez enlevé d'emblée les condamnations même sans le secours du ministère public. Est-ce que je suis sûr de paraître devant les jurés? Le moment approche. Et si vous voulez, vous pouvez l'avancer. Ah, vraiment? C'est même pour cela que je viens vous voir. Vous aviez adressé Anatole Chamberlain au représentant de votre maison en Amérique, n'est-ce pas? Oui. Depuis, avez-vous écrit à ce représentant de fermer sa porte devant celui qui avait voulu vous faire assassiner? Je ne lui ai rien écrit du tout. Comment? Vous continuez votre bienveillance à votre assassin? Le colonel ne répondit pas. Je n'ai pas apprécié ce sentiment, continua le juge d'instruction. Mais en dehors de cet ordre d'idées que je n'aborde pas, laissez-moi vous dire qu'en agissant ainsi, vous entravez l'action de la justice. Si vous retirez votre protection à Anatole Chamberlain, il ne pourra pas rester en Amérique. Il sera forcé de revenir en France. Je désire qu'il ne revienne pas en France. Je vois que vous persistez dans l'idée qu'il n'est pas coupable. Que diriez-vous si je vous prouvais qu'il l'est? Tenez, lisez cette lettre qui a été saisie à la poste, comme le seront à Paris toutes celles qui seront adressées en Amérique à M. Anatole Chamberlain. Le colonel prit la lettre que le juge lui tendait. « Ma chère belle, je t'écris poste restante à New York, comme nous en sommes convenus avant ton départ. J'aurais voulu t'envoyer une dépêche, et je l'aurais fait assurément si je l'avais pu. Mais il y a impossibilité, pour plusieurs raisons que tu devineras sans que je te les explique. D'ailleurs, à quoi bon une dépêche quand je n'ai rien de nouveau ni d'important à te raconter? Quand je dis qu'il n'y a rien de nouveau, il faut entendre que l'affaire que tu sais n'est pas faite. Elle a échoué, bêtement échoué. Je croyais cependant avoir bien pris toutes mes précautions et l'avoir mise dans les mains d'un homme capable. Mais que veux-tu? Il faut toujours compter sur l'imprévu. Les plus grands généraux ont perdu des batailles sûres. C'est mon homme qui a eu la maladresse de se faire rouler. Sans doute on pourrait recommencer, mais je ne crois pas avoir des chances pour le moment. Il faut attendre et voir avant de se décider, pour ne pas échouer une seconde fois, ce qui serait vraiment trop maladroit. En reçu de cette lettre, je te prie de m'écrire pour me donner ton adresse là-bas, car je ne pense pas que tu aies l'intention de revenir de sitôt. Il n'est pas impossible que je te rejoigne si mes affaires continuent à aller mal ici et prennent une mauvaise tournure, ce qui me paraît assez probable. L'Amérique n'a rien qui me déplaise, au contraire. En attendant, crois à mon affection dévouée, Adélaïde. Eh bien, c'est une lettre de femme, dit le colonel. C'est une lettre du fourrier, répliqua vivement le juge. Elle annonce en termes détournés que votre assassinat a manqué. Maintenant, croyez-vous à la culpabilité de votre cousin? Je ne crois à rien, monsieur le juge d'instruction, et ne veux croire à rien. De même que je n'ai rien fait et ne ferai rien pour ramener Anatole en France. Au contraire, je ferai tout pour qu'il reste en Amérique. Mais, monsieur, oh, je sais tout ce que vous pourrez me dire sur mes devoirs envers la justice. Je ne dois qu'une chose à la justice, mon témoignage sincère. Je le lui ai donné, qu'elle n'attende de moi rien de plus.